les hommes aux semelles de vent. رجال بنعال من ريح itinérance en Méditerranée رحلة في حوض المتوسط Grande traversée Aude-Émilie Judaïc et Thomas Duterre novembre 1975, Sud Maroc, aux portes du Sahara espagnol. 350 000 civils, hommes et femmes, venus des quatre coins du Maroc, se tiennent prêts. N'écoutant que leur roi, ils franchiront bientôt la frontière pour récupérer leur Sahara. Armés de leur seul Coran, ces centaines de milliers de Marocains marcheront littéralement sur les terres et sur le peuple sahraoui. Funeste marche verte. L'Espagne abandonnera sa dernière colonie sans même livrer bataille. Mais les Sahraouis, eux, dépossédés de leurs terres pour la deuxième fois, ne cesseront de lutter pour leur indépendance. Aujourd'hui encore, ils se battent pour que soient enfin appliquées les résolutions de l'ONU, votées dans les années 60, et reconnaissant leur droit à l'autodétermination. Ces anciens nomades, que l'on appelait autrefois les enfants des nuages, vivent aujourd'hui réfugiés, exilés ou sous occupation marocaine. Depuis 40 ans, les nuages noirs s'amoncellent au-dessus de leur tête, dans l'indifférence générale. À l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte, faisons donc le point sur la colonisation du Sahara occidental par le royaume chérifien. À 10h, j'accueillerai Ali Omar Yara, sociologue des conflits, Marguerite Rolland, politologue, et Sébastien Boulet, anthropologue, pour décrypter la politique de peuplement du Sud Maroc. Puis, la chanteuse marocaine Oum nous livrera son ressenti quant à la difficile question sahraoui. Mais tout de suite, Sophie Caratini, anthropologue, guide nos pas dans les sables mouvants du Sahara occidental. Je vais te raconter mon histoire. Tu vas comprendre comment les choses se sont passées. Il y a des jours où je me demande, est-ce que c'était moi? Est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Est-ce que c'est une autre? Ou est-ce que c'est un rêve? Ma vie dans le désert, les grandes traversées avec le groupe nomade, est-ce que ça a existé? C'est tellement loin de moi. Et puis, si c'était vraiment moi, qui suis-je maintenant? Prendre l'histoire un petit peu dans le sens du temps. Il faut remonter à une époque où les Arabes n'étaient pas là. Les Arabes sont arrivés, en particulier dans l'ouest saharien, vers le 12e, 13e siècle. Et ils ont trouvé là des populations berbères. Et dans ces zones désertiques, vous avez des populations nomades, chamelières, leurs descendants sont appelés aujourd'hui les Maures. Ils parlent un dialecte arabe appelé Hassaniya, parce que les Arabes qui sont arrivés dans cette région-là sont arrivés tardivement, au XIIIe siècle, et c'était des Beni Hassan, des descendants de Hassan. On trouve aujourd'hui les Mauritaniens et les Sahraouis, si vous voulez, qui sont de la même culture, de la même langue et avec la même histoire lointaine, puisque ce n'était qu'un seul espace. Quand vous regardez le Sahara, vous avez le monde Touareg au centre, c'est-à-dire sud algérien, nord malien, Niger, et puis à l'ouest, vous avez la Mauritanie et le Sahara occidental. Et c'est important de les associer parce que, du fait de la proximité de l'océan, c'est géographiquement la zone du Sahara qui est la plus courte à traverser. Donc, vous avez eu des circulations importantes dans cette région-là, nord-sud. Et finalement, l'histoire du Sahara, c'est une histoire de voyage. Vous avez d'une part des populations qui vivent de l'élevage, et puis vous avez le grand commerce qui rejoignait l'Afrique noire et la Méditerranée depuis très longtemps, jusqu'à Venise. Donc, ça a toujours été un lieu de passage à la fois des marchandises et des idées. Pour moi, tout a commencé par le fait que mes parents n'étaient pas de la même tribu. C'était extraordinaire à l'époque. Ma mère était l'Adem, tribu des pasteurs. C'était des très grands chameliers. Ils avaient d'importants troupeaux avec lesquels ils se déplaçaient d'un côté à l'autre de la Mauritanie. Les Ladem allaient chercher des pâturages de Tichit jusqu'à Ain Bentili, des frontières du Mali jusqu'au Sahara espagnol. Mon père était Nmadi, tribu de chasseurs. Eux, ils corsaient les antilopes à pied avec des lévriers. Ils étaient vus comme des personnes de basse condition. C'était incroyable que les Ladem aient donné une fille à des Nmadi. Des guerriers donnent une femme à un chasseur. À l'intérieur du Sahara, le long de ces grandes voies du commerce et des idées, vous aviez forcément des étapes. Et dans une étape, c'est un point fixe. Le point fixe, il faut qu'ils mangent, les gens qui habitent là. Donc on établit un point fixe là où il y a des ressources en eau, parce que sinon on ne peut pas. Et là, on associe à la fois des palmeraies, des cultures sous palmiers, et puis des habitations en dur, et la plupart du temps, dans les grandes oasis sahariennes, un pouvoir fondé sur plutôt le savoir que la force. Parce que la force, c'est ce qui bouge, comme aujourd'hui encore. Tous les mouvements de résistance sont des mouvements qui bougent, c'est une guerre qui bouge. Donc c'est une autre problématique militaire qui n'est pas sans poser de graves problèmes à tous les militaires du monde qui veulent occuper des zones nomades, et cela depuis la plus grande antiquité. Donc dans ce Sahara occidental, il n'y avait que des nomades, c'est-à-dire des pasteurs. Alors il y avait des gens qui traversaient avec des caravanes, souvent ils sont associés. Parce que pour pouvoir traverser, il faut des chameaux. Les chameaux, qui les produisent ? Les éleveurs. Donc vous savez, il y a des relations d'alliance entre les éleveurs et les commerçants. Certains groupes sont à la fois éleveurs et commerçants. Certains groupes d'éleveurs, guerriers, protègent tel commerçant. Et comme il n'y a pas d'État central, c'est une organisation de communautés qui sont en rivalité perpétuelle, non pas pour savoir qui est le plus fort, bien que ça a toujours été une problématique masculine internationale, mais plutôt pour pouvoir avoir accès aux ressources. Parce que les populations de cette zone du Sahara, par exemple, une partie d'entre elles, on les appelait Aoulad el Mizna, les enfants des nuages. Parce que chaque été, ils se retrouvaient autour des puits. Parce que l'été, les chameaux doivent boire. On dit toujours le chameau ne boit pas, c'est pas vrai. Le chameau ne boit pas, effectivement, il peut rester pendant très longtemps sans boire. À partir du moment où il ne fait pas trop chaud, et dans des zones où il y a des pâturages verts, c'est-à-dire qui contiennent de l'humidité. Donc, mais en revanche, l'été, tout le monde est réuni autour des puits. Il fait une chaleur terrible et il faut donner à boire aux chameaux tous les deux jours 100 litres d'eau. Donc on passe son temps à tirer du puits de l'eau, nuit et jour, pour abreuver les chameaux. Et puis après, comme on est au bord de la mer, on voit les nuages passer, les nuages porteurs d'eau, parce qu'ils viennent de la mer, forcément. Et là... avec l'expérience, de même qu'on sait lire l'heure et on sait quel jour de l'année on est en regardant les étoiles, on sait que ces nuages-là, ils ont de grandes chances de donner de la pluie. On envoie des éclaireurs, des gens qui suivent les nuages. Et ils pouvaient faire 300 km, 400 km en suivant ces nuages jusqu'à ce qu'ils crèvent et que l'eau tombe. L'une des premières choses qu'on apprend aux enfants, c'est les traces. On apprend ça tout petit. À 6 ans, je savais déjà reconnaître toutes les traces de la famille. J'ai d'abord appris avec ma grand-mère paternelle. Elle me faisait marcher plusieurs fois dans le sable, de long en large et en travers, pour mémoriser mes traces. Elle me faisait marcher et elle regardait encore et encore. Elle regardait mon pied gauche, mon pied droit et la forme de mes doigts, de mes ongles de pied pour reconnaître mes traces si jamais je me perdais. Parce que les traces, c'est comme les empreintes, elles sont toutes différentes. Donc, on cherche ce qu'elles ont d'unique. Je savais reconnaître les traces de toute la famille. Ma mère pouvait marcher au milieu d'un millier de gens sans que je la perde. On apprend ça tout petit. Quand vous regardez les langues locales et que vous cherchez le mot qui veut dire nomade et le mot qui veut dire sédentaire, ils n'existent pas. En revanche, cette expression « enfant des nuages », ça dit bien ce que ça veut dire, entre guillemets. C'est-à-dire que ça veut vraiment dire qu'on a affaire à des nomades dont les parcours sont imprévisibles. Les pouvoirs n'ont jamais aimé qu'il y ait des zones incontrôlées. Donc le premier État à avoir pointé son nez, vraiment, c'était les États européens. Et n'oubliez pas que l'Espagne possédait les îles Canaries. Les îles Canaries sont en face. Donc, le commerce qui arrivait dans cette région du désert a toujours intéressé l'Espagne. De toute façon, ici, si ça s'appelait Rio de Oro, c'est parce que c'était de l'or qui arrivait sur ces côtes-là. Or, le Sahara, pour les pays du nord de l'Afrique, c'est l'arrivée des matières premières, c'est l'arrivée des marchandises, c'est l'arrivée de l'or, c'est l'arrivée de beaucoup de choses. Donc contrôler des territoires sahariens, ça veut dire contrôler les richesses qui passent par le Sahara. Et le Sahara a toujours été un enjeu. Il est devenu 10 fois plus quand, de surcroît, on s'est aperçu qu'il recelait également des richesses du type minière, pétrolière, et j'en passe. Voici la carte du grand partage de l'Afrique. Nous nous sommes mis à tracer des lignes sur des cartes, là où l'homme n'avait jamais mis les pieds. Nous nous sommes partagés des montagnes, des rivières et des lacs, gênés seulement par le fait que nous ne savions pas exactement où c'était. Le territoire qui a été, dans les années 1885, découpé sur une carte à la conférence de Berlin pour décider entre les différents pays européens qui aurait quel bout de l'Afrique, parce que finalement c'est comme ça que ça s'est fait, c'était un espace sans État. Alors, on peut considérer que les frontières coloniales sont une catastrophe, et dans la mesure où elles ont systématiquement, ou presque systématiquement, partagé partout des peuples. Bon, les morts sont partagés sur 3 ou 4 frontières. Les Peuls, on n'en parle pas. Les Touaregs, ils sont sur 4 ou 5 pays, sur le nord, sur le sud. Enfin, c'est comme ça partout. Alors, effectivement, des morts, vous en trouvez en Mauritanie, vous en trouvez dans le nord-ouest malien, vous en trouvez dans le sud-ouest algérien, et vous en trouvez au Sahara occidental. À partir du moment où, sur le papier, le territoire devient coupé en deux, le territoire des enfants des nuages dans leur ensemble, d'abord ils n'en savent rien. Pendant des années, ils n'en savent rien. Pour les enfants des nuages, il n'y avait pas de frontières. Alors les gens, ils jouaient sur plusieurs tableaux, ils avaient trois laissés-passer, un espagnol, un français, un du nord et un du sud en poche. Leur identité par rapport aux colons changeait en fonction de qui ils avaient en face d'eux, des espagnols, etc. Mais progressivement, les espagnols ont pu s'installer seulement à partir des années 30. Sahara español, Sahara occidental, Río de Oro o Sahel, como se le ha conocido en distintas épocas, es un territorio desértico con una extensión como la mitad de España y que fue nuestra última colonia. C'est en 1934 que l'ensemble des territoires sont conquis. Donc les Espagnols ont commencé à occuper leur territoire en installant des petits postes à l'intérieur. Donc vous avez un petit marché qui s'installe. Et puis dans les périodes de sécheresse, comme c'est là qu'il y a le gouvernement, entre guillemets, la hukoum comme on dit, viennent s'installer les gens qui ont des difficultés ou qui viennent demander de l'aide, surtout si le gouvernement commence à développer une politique d'assistance, de scolarisation, des choses comme ça. Parce que le gouvernement, ça veut dire vous désarmez tout le monde et éventuellement vous instaurez à la fois des impôts et éventuellement quelques services publics, et puis vous construisez d'éventuelles infrastructures du type piste au départ, route éventuellement, pour pouvoir justement circuler et contrôler l'espace. Ce que je sais, c'est que finalement, il n'y a pas eu grand-chose jusqu'en 1960. Va se passer à partir des années, à la fin des années 60, il va y avoir plusieurs facteurs. Il va y avoir une énorme sécheresse qui va ruiner toute la région saharo-sahélienne. C'est là qu'on va commencer à dire que le désert avance vers le sud. Les grands nomades sahraouis et nord-mauritaniens vont perdre pratiquement 90% de leur troupeau. Et là, elle est complètement appauvrie. Il va y avoir un phénomène de sédentarisation qui va être plutôt parce que les gens n'ont plus rien. Et là, tout a basculé. Je suis un combattant de l'Ejército Popular de la Révolution Sahraoui. L'Ejército Popular de la Révolution Sahraoui est ce qui garantit la liberté et la dignité de mon peuple. L'Ejército Popular Sahraoui est le créateur du respect et du droit de mon peuple. Le nationalisme sahraoui, il va naître d'une manière un petit peu balbutiante. D'une part, lorsque les pays qui l'entourent deviennent indépendants, le Maroc est indépendant en 1956, et la Mauritanie et les pays autour en 1960. Et là est née la prise de conscience chez les peuples de la région que c'était peut-être une possibilité un jour de devenir indépendant. Et puis... Parallèlement, vous avez des grandes familles sahraouis qui ont envoyé leurs enfants étudier dans les territoires qui avaient été qui étaient indépendants. Donc vous avez des étudiants qui ont été envoyés, des jeunes qui ont été envoyés étudier au Maroc, puisque c'était le pays le plus proche, et d'autres en Mauritanie. Et donc ils ont appris le français d'un côté et de l'autre. Et particulièrement au Maroc, c'est là que dans les universités, les étudiants sahraouis ont pu s'ouvrir aux idées internationales de l'époque. Et c'est là que est né finalement le premier mouvement qui a revendiqué l'indépendance du Rio de Oro. خيام المخيم الاستقلال con motivo de la liberación del Delta por el Ejército de Liberación Nacional, dedicamos una canción a la televisión de Radio Nacional de España. Au début, ils ont simplement essayé d'organiser d'abord une résistance et une tentative de négociation avec l'Espagne. Donc ils ont fait des grandes manifestations pour demander... Ils ne demandaient même pas l'indépendance. C'était d'abord des grandes manifestations qui demandaient du travail, qui demandaient des manifestations sociales, si vous voulez, comme il y en a un peu partout. Et là, comme il y avait par ailleurs... des intellectuels qui commençaient à former des fronts, qui essayaient de négocier avec les Espagnols leur départ. Les Espagnols ont paniqué, ils ont tiré dans la foule. C'était en 73. Et ça a correspondu à un moment où, bon, les jeunes se sont dit, on n'arrivera pas à discuter. Et à ce moment-là, ils ont créé le Front Polisario pour passer à la lutte armée d'un mouvement qui avait essayé pendant plusieurs années d'essayer de négocier avec les Espagnols leur départ. Et qui avait presque abouti d'ailleurs, parce que quelque part dans l'idée de Franco, il fallait progressivement accompagner l'indépendance du Sahara occidental, parce que internationalement, c'était plus vraiment tenable. Et que si on les accompagnait dans la prise d'indépendance, on pourrait se garder des accords extrêmement avantageux en matière d'exploitation du phosphate, donc quelque part, on n'y perdait pas trop au change. Le gouvernement espagnol a décidé de commencer par leur accorder un statut d'autonomie, donc en 1974, mais on s'est avancé dans une phase où Franco est rentré en agonie. Et ça, ça a été un moment de déstabilisation du pouvoir en Espagne, dont a usé et abusé largement Hassan II, qui faisait déjà pression depuis longtemps pour essayer de récupérer ce qu'il considérait comme une récupération de cet espace saharien. Hassan II a pris la décision d'un coup de force et il a organisé ce qu'il a appelé la marche verte. Pour ce faire, il a été mobilisé pour une grande part, presque de force, des populations civils, pour les envoyer faire une grande manifestation en réclamant le retour chez eux dans les zones sahariennes. Et moi, personnellement, j'ai eu vraiment témoignage de personnes marocaines qui sont venues me voir en me disant « Mais moi, dans ma famille, on nous a obligés Ils ont ramassé des prostituées et nous, ils nous ont obligés à marcher et à crier ce qu'ils voulaient qu'on crie et à aller jusqu'à là-bas. Ils ont payé des gens, d'autres, ils ont pris des pauvres en disant on va vous nourrir. Et il y a eu vraiment ce mode de fonctionnement de ce qui a fini par constituer cette fameuse marche verte de civils qu'on a envoyé traverser les frontières en disant on rentre chez nous pour récupérer notre territoire, alors que ces gens-là n'avaient rien à voir avec les habitants du Sahara occidental. Et dans le même temps, dans la précipitation, compte tenu de ce qui se passait en Espagne, les Espagnols étaient en train de plier bagages. Donc les civils sont rentrés et derrière eux, l'armée marocaine. Et de l'autre côté, les militaires espagnols, dont beaucoup en partant, donnaient leurs armes aux Sahraouis pour qu'ils puissent se défendre. Mais les Marocains sont arrivés en force, ils ont même bénéficié de l'aviation. Une aviation qu'ils ont utilisée pour aller empoisonner des puits, lancer du napalm sur des populations en fuite dans le désert. Ça a vraiment été quelque chose d'extrêmement violent. Donc ça a provoqué une fuite, bien sûr, désespérée d'un peu tout le monde à travers le désert. Et vous allez dans les camps de réfugiés et vous rencontrez plein de personnes maintenant d'un certain âge qui vous racontent les gens morts autour d'eux, la fuite éperdue, l'arrivée, la soif, la faim, la peur. Et puis tous ceux qui ont pu fuir ont fui et se sont réfugiés en territoire algérien. Avec l'aide des Algériens, mais pendant 2-3 ans, ça a été extrêmement difficile. Les gens avaient à peine de quoi manger. Il fallait tout. Enfin, on était dans une des zones les plus terribles de cette zone des fils des nuages, parce qu'ils la connaissaient, la zone. Ça faisait partie aussi des zones que certaines fractions de la population avaient l'habitude de fréquenter. Et c'est un plateau calcaire qu'on appelle la Hamada, et qui est un des plus arides de l'ensemble du Sahara, et où il fait le plus froid et où il fait le plus chaud. Donc c'est vraiment un lieu particulièrement inhospitalier qui se trouve donc à... les camps se sont installés d'abord là où il y avait de l'eau, qui était à peu près 150 ou 160 km de l'oasis de Tindouf vers l'est. Et puis après, ils se sont installés plus proches. Actuellement, si vous voulez, avec le temps, parce que maintenant, ça fait plus de 40 ans. Hein. 2014, oui, ça fait 41 ans. Ils ont progressivement installé des campements. Alors au départ, c'était des campements avec des tentes. Ce sont des nomades, ils ont l'habitude d'être dans la tente. Mais bon, il y a eu un problème de nourriture, parce qu'il n'y a eu pas de troupeaux. Au début, il n'y avait rien, ce qui s'appelle rien. Je me vois déterrer les morts, chercher dans la terre l'appel du passé. Mon amour, ma patrie. grandirai-je un jour dans ta vaste étendue. Es-tu résolu un jour à me prendre entre tes bras? Non seulement les gens ont dû s'organiser pour pouvoir vivre et survivre d'abord et instaurer un mode de vie dans ces camps, et ça s'est fait très très lentement, mais en même temps il fallait faire la guerre. Parce que à partir du moment où le pays avait été conquis par des gens qui devenaient des ennemis, y compris les Mauritaniens qui jusqu'à présent étaient les alliés, les jeunes ont constitué une armée, les femmes, la révolution s'est instaurée tout de suite, et dans les fêtes finalement, parce qu'on avait besoin de tout le monde. Plus facile peut-être de faire une révolution dans ces circonstances. Sur le terrain, les forces du Polisario ont l'initiative des opérations. Ils savent parcourir cette immensité, se déployer, porter des attaques en territoire marocain ou mauritanien et se replier dans le sanctuaire du Tindouf que leur a concédé l'Algérie. Équipés d'un armement mobile et sophistiqué que leur livrent la Libye et l'Algérie, ils remportent des victoires en attaquant des garnisons marocaines isolées. L'armée marocaine se retranche dans les chefs-lieux du désert autour d'El Ayoun. Mais elle a l'avantage du nombre ainsi que l'aviation. Le Sahara s'embrase. Les Sahraouis eux-mêmes ont proclamé la naissance de leur État. En pleine nuit, en plein désert. À la lueur des flashs des caméras de télévision, on a lu en arabe et traduit en français et en espagnol cet acte de naissance. Une cérémonie dans le désert, je le répète, près d'un lieu connu sous le nom de Bir Lahlou, traduisait d'arabe en français, le puits d'où il sort de l'eau douce. Écoutez. Voilà, on a dit bienvenue à cette république arabe sahraoui démocratique. Et immédiatement, vous l'avez sans doute entendu, les applaudissements et les youyou des femmes. C'était la nuit dernière à Bir Lahlou, une position à quelques 600 km de la capitale du Sahara, El Ayoun. Une cérémonie jamais vue, quelques 3000 personnes faisant le cercle autour du drapeau de la Nouvelle République, scandant des slogans de bienvenue à leur tout nouveau pays, tirant en l'air et formant le signe de la victoire, levée de la victoire. Très vite, pour rester dans la légalité, en 76, en plein désert, ils ont décidé officiellement de créer la République arabe sahraoui démocratique. Et puis ils ont organisé les choses, ils ont organisé les campements de manière à ce que les gens soient mélangés, pour que l'égalité puisse se vivre au quotidien. Et pour ça, ils avaient déjà depuis un petit moment vraiment développé un discours sur... Le tribalisme est un crime contre la révolution, donc on ne transmet plus l'histoire des différentes tribus, on ne dit plus de quelle tribu elle est, chacun est sahraoui et rien d'autre. Es una canción dedicada a toda la gente, a las sucesivas intifadas que pasan en las zonas ocupadas del Sahara Occidental. A toda esa gente que lucha cada día por su libertad de expresión, por tener una voz propia, la de todos los saharauis. La, la, la, la, la, la, la, la. bénéficier du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les jeunes dirigeants du Front Polisario ont pensé qu'il était absolument indispensable de pouvoir se présenter comme un peuple. Pas oublier non plus qu'à partir du moment où on envisage d'aller défendre son dossier dans une instance internationale, on est obligé de se plier au langage de ces instances internationales, au langage et au concept. Parmi ces concepts, il y a celle de peuple, qui est d'autant plus importante à revendiquer que les mots utilisés dans les langues internationales pour désigner ce qu'en Hassaniya on appelle Kabila, c'est la tribu, et que le terme Kabila n'a pas les mêmes connotations dans la réalité culturelle maure que le terme tribu en français ou son équivalent dans les langues anglo-saxonnes auxquelles il réfère à des choses qui sont totalement obsolètes par rapport aux réalités de la société maure. Parce que Kabila en arabe, ça veut dire le groupe. Ça ne veut pas dire la tribu. La tribu, c'est... nous renvoie aux images orientalistes, aux images bibliques qui sont quand même très loin des réalités sociales, économiques et politiques des ensembles dont on parle. Donc, il était très important de rentrer dans ce vocabulaire. Et comme par ailleurs, ils avaient été très influencés par la révolution algérienne et la révolution libyenne qui insistent aussi sur cette notion de peuple, c'est le peuple qui fait la révolution. Comme le peuple chinois, on était en plein dans cette construction idéologique de la notion de peuple. Donc, le Front Polisario a commencé à développer une éducation des masses, parce que c'est comme ça qu'on appelait ça. C'est-à-dire que dans ses campagnes de mobilisation des populations, on leur expliquait, nous allons faire un peuple, Charab, c'est-à-dire que nous allons faire une seule tribu. Une seule tribu, c'est la même chose qu'un peuple. Et on va récupérer notre territoire et on va être chez nous. شعر الهدانة وانت وحدك كافي يا لفيدك نيانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا. Ma patrie, ils ne t'ont pas dit que les bracelets de mes chevilles avaient rouillé et que mon visage s'était déformé. Ils ne t'ont pas dit qu'ils m'avaient arrêté et torturé. Ma patrie, n'aie pas peur qu'ils t'arrachent de ma poitrine. Le drapeau marocain flotte depuis 13 heures, heure de Paris, sur El Ayoun, la capitale de l'ex-Sahara espagnol. Le roi Hassan II a lui aussi trouvé des notables sahraouis qui lui ont fait allégeance et qui lui obéissent. Il peut penser que si l'exploitation des phosphates, en accord avec la Mauritanie, peut se faire sans mal, alors la moitié de son objectif aura été remplie. Le Sahara, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est le grand pays des phosphates. Le mur, sur plus de 400 km, il couvre des massifs de l'Ouarzaz au sud d'El Ayoun, capitale du Sahara occidental. Un mur de sable et de pierre, haut de 2 mètres, large de 3. Vu d'hélicoptère, on dirait comme une grosse boursouflure jaunâtre dans le désert. Une ligne Maginot des sables, solidement ancrée à la montagne nord et les pieds dans l'océan au sud, protégée par un réseau de barbelés et de mines. Tous les 15 km environ, il y a des points d'appui, des fortifications et des radars. Derrière le mur, il y a les deux tiers de l'armée marocaine qui surveillent et patrouillent. En tout, 70 000 hommes, une vingtaine d'unités mobiles d'intervention avec leurs jeeps, leurs canons autotractés, leurs engins blindés de reconnaissance, des AML. Dès que les radars ont repéré quelque chose. Elles franchissent le mur et partent en chasse. En résumé, ce mur n'est rien d'autre qu'une sorte de ceinture pour protéger ce que les Marocains appellent le Sahara utile. Le reste est abandonné aux colonnes du Polisario, qui, profitant de la nuit ou des coups de sirocco, se risquent jusqu'au mur, terme de leur aventure. Le roi a toujours eu des conseillers israéliens. Or, la politique israélienne, on la connaît. C'est celle des colonisations de peuplement, c'est celle des murs de défense comme ils ont fait dans le Sinaï. Donc le roi du Maroc a été dans ce sens-là. Bon, il y a des propagandes. Allez dans le sud, vous allez pouvoir faire fortune. Ou bien, il y a pas de chômage là-bas. Le royaume du Maroc est c'est quand même un pays sous-développé où il y avait, il y a pas si longtemps, et je ne sais pas où ça en est maintenant, mais 40% d'analphabètes avec une grande misère et une inégalité sociale qui va en s'accroissant. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans. Donc, la politique marocaine a constitué, une fois avoir occupé en réprimant... Bon, le Maroc a toujours beaucoup réprimé, bien sûr, les populations sahraouies. Il a essayé de les noyer dans des politiques de peuplement qui faisaient que... qu'aujourd'hui, peut-être que finalement, les sahraouis de souche sont minoritaires à l'intérieur de la population qui habite dans le Sahara occidental. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est bien possible. Mais surtout, ils ont protégé toutes les parties utiles pour eux de l'exploitation des minerais d'abord. Et puis, ils l'ont étendu ensuite, les territoires donc utiles, par un mur de défense du même type que celui que les Israéliens avaient fait dans le... dans le Sinaï, qui consiste à faire deux rangées de dunes, ou d'énormes tas de sable, si vous voulez, donc déjà hautes et qu'on ne peut pas franchir sans se faire repérer de loin, au-dessus desquelles ils ont mis tout un arsenal de radars et d'armement qui fait que, bon... on peut repérer un chameau à 5 mètres et on peut tirer sur tout ce qui bouge. Et en plus de ça, avec évidemment un champ de mine énorme au pied de ce mur. Donc ils ont protégé, si vous voulez, l'accès d'abord de la zone des mines. Et ensuite, ils ont élargi, ils ont fait un deuxième mur, puis un troisième mur, jusqu'à ce que pratiquement, disons, les deux tiers du Sahara occidental côté océan soient inaccessibles aux Sahraouis de l'autre côté. N'empêche que entre la frontière, entre... le Sahara occidental et la Mauritanie et le mur, il y a tout un espace qui est, qu'on appelle côté sahraoui, les territoires libérés, et qui ont où il y a des villages sahraouis et où il y a surtout une piste de la contrebande particulièrement florissante, ou du commerce, je ne sais pas comment l'appeler, puisque de toute façon c'est un territoire qui est libéré par le Polisario, qui lui est une république en exil. Donc tout ça reste très, au niveau statutaire, très complexe. Mais par rapport à un Maroc qui est censé occuper l'ensemble du territoire sahraoui, ben non, il y en a quand même une partie qui n'a jamais réussi à occuper. Des kalachnikovs qui ne servent plus à rien, des soldats sahraouis qui trompent l'ennui à longueur de journée. Mais aujourd'hui, ça n'est plus la guerre, ça n'est pas encore la paix. Le silence a succédé au bruit des mitrailleuses. Dans les territoires contrôlés par les Sahraouis, seul Souleymane, le dieu du vent, s'active encore. Les Marocains ont arrêté de bombarder. Bien, en 91, à partir du moment où il y a eu un cessez-le-feu et il a été décidé de procéder à un référendum d'autodétermination, il a fallu identifier le corps électoral. Donc, le référendum n'a jamais eu lieu parce que il y a toujours eu des tribus contestées, soit par le Maroc, soit par les Sahraouis. Donc, d'une part, le référendum, on a attendu. D'autre part, pour identifier les populations, on les a appelés avec les listes qu'on avait, qui dataient de l'époque espagnole, on a appelé les gens à la radio par tribu. Et là, ça a fait un choc d'ailleurs, surtout pour la jeunesse, parce que les vieux, ils connaissaient les histoires des tribus, parce qu'il y a ce qu'on ne dit pas, mais ce qu'on sait quand même. Il faut pas oublier que les Sahraouis sont des nomades de culture, et que le nomadisme, c'est un rapport à l'espace et un rapport au temps. Le temps, l'espace, c'est très grand dans le désert. On n'oublie rien. On raconte des anecdotes qui ont des siècles, comme si ça s'était passé hier. Et c'est une chose qui est constitutive de l'identité de la personne. Puisque, comme je vous l'ai dit, on est beaucoup dans l'imaginaire. Et son identité, elle n'est pas forcément accrochée à un lieu, à un espace, à une adresse. Elle est liée à toutes les histoires qui sont constitutives de soi. C'est ça qui est extraordinaire, d'ailleurs. Que Dieu le Très-Haut, dans son immense bonté, m'accorde encore 10 ans, si c'est le temps par lui imparti pour clamer Sahara libre. Que Dieu le Très-Haut, dans son immense bonté, guide mes pas 20 ans encore, si c'est le temps par lui choisi pour que je puisse marcher vers un Sahara libre. Dans 30 ans, serai-je auprès de Dieu le Très-Haut, dans son immense équité, aurait-il fait de mon pays un Sahara libre? Que Dieu le Très-Haut accorde longue vie à mes enfants et aux enfants de mes enfants, si c'est un siècle qui est par lui compté, pour qu'un jour on puisse chanter Sahara libre. Merci à Sophie Caratini, anthropologue au CNRS et auteure de La République des Sables, anthropologie d'une révolution, qui est parue chez L'Harmattan en 2003. Un grand merci également à la chanteuse Camille Ajouran, qui a accepté de mettre sa sensibilité au service des Sahraouis d'hier et d'aujourd'hui. Ses lectures étaient librement adaptées du roman La fille du chasseur, écrit par Sophie Caratini et publié en 2011 par les éditions Thierry Marchès. Enfin, les poèmes étaient extraits de 2 recueils édités par L'Harmattan, L'an prochain Asmara de Diego, qui date de 2007, et La plume prisonnière de Nana Labat El Rachid, qui date, lui, de 2008. Dans un instant, nous étudierons les perspectives de résolution de la question sahraoui. Mais pour l'heure, écoutons encore un peu cet hommage rendu aux enfants des nuages par la chanteuse sahraoui Aziza Brahim, qui interprète ici « Hijo de las nubes ». Dans ce monde, j'ai voyagé de par l'Orient et l'Occident sans trouver ma patrie. Les hommes aux semelles de vent. Itinérance en Méditerranée. Une grande traversée d'Odémilie Judaïque et Thomas Duterre. Les enfants des nuages ont chaussé leurs semelles de vent. Des nomades d'autrefois aux réfugiés et aux exilés sahraouis d'aujourd'hui, poursuivons notre itinérance aux confins du monde méditerranéen en compagnie du sociologue Ali Omar Yara. Né au Sahara occidental à l'époque du protectorat espagnol, il a finalement trouvé refuge en France après 15 années passées au Maroc. L'éloignement de sa terre natale n'a fait que renforcer son engagement pour la cause sahraoui, comme en témoigne cet entretien enregistré en mai dernier. Je vais regarder ce que je n'ai pas, par exemple, deux ou trois poésies dans les chansons. Sahraoui. Ah, formidable. Tiens, tu peux prendre ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est ça ? Malaini Lakhal. Marche épique, ça s'appelle, c'est ça ? Et oui. C'est édité chez l'Armatan. Chez l'Armatan et Rast. Voilà, alors, je voulais choisir. L'Ahnoun l'Ours et Shahid. Mélodie pour le mariage d'un martyr. Qasida l'Shuhada Shab Sahraoui l'Abi. L'Adina d'Ahou bi'Agla maladihum ajli uyouni l'Watan. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر دوره وحاشاهم أن يبدلوا أو يطأطئوا رؤوسهم الأبية لغير باريهم. C'est-à-dire, il dit que cette poésie, c'est rendre hommage au peuple sahraoui, le fier, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour les yeux de la patrie. Certains sont morts, d'autres attendent leur rôle ou leur tour. Et jamais ne s'inclinent leur tête. Jamais. Jamais, c'est ça. C'est tout. La poésie hassanienne est très développée, mais son champ est très limité du fait que la plupart des personnes ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on trouve surtout de la poésie en arabe classique plutôt qu'en hassaniya. Tout à fait, la langue du Coran. Mais il y a aussi beaucoup de poètes sahraouis maintenant qui parlent et qui écrivent aussi en espagnol. Oui, ça, c'est un peu une ironie de l'histoire, non ? Oui, tout à fait. C'est toujours pareil. C'est-à-dire l'ancien colonialiste, il te tire vers le centre. Et les sahraouis, ils n'ont jamais quitté leur pays. Sauf une petite minorité. Ils partent vers la Mauritanie. Un petit peu l'Algérie, et le sud du Maroc. Mais une fois que la guerre est arrêtée, 1991, et donc c'est à partir de là que les gens commencent à chercher les anciennes pièces d'identité espagnoles. Parce qu'on était colonisés par les Espagnols, ils sont partis en Espagne. Et les gens, ils sont restés, la troisième génération maintenant, la quatrième. Et l'Espagne ne leur a pas posé de problème. L'Espagne n'a pas fermé ses portes, parce qu'on voit non, bien en France, par exemple, avec des anciennes colonies comme le Cameroun, le Sénégal, tout ça, c'est bien difficile d'avoir un visa. Là, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil parce que l'Espagne est d'abord culpabilise, parce qu'il a largué ses Sahraouis, il n'a pas terminé sa colonisation, il n'a pas fait aboutir l'autodétermination du peuple sahraoui, comme tous les anciens coloniaux, les Anglais, les Allemands, les Français, les Belges et tout, tous, vous ne voulez pas qu'on reste ? Alors voilà votre indépendance. Les Sahraouis, ils étaient largués par l'Espagne. Et donc il y a une conception de la colonisation et de culpabilité collective. Et deuxième chose, les Sahraouis sont partis en Espagne travailler dans tous les secteurs. Et dites-moi, est-ce que vous avez le sentiment que chez les Sahraouis qui sont exilés ou qui sont occupés au Maroc, mais je pense que peut-être il y aura une différence à faire, est-ce qu'ils continuent à porter la cause? Est-ce que d'une certaine manière, ils n'ont pas tourné la page simplement parce qu'ils habitent ailleurs et qu'ils sont intégrés aujourd'hui? Non, ils n'ont pas tourné la page. La plupart, moi je les vois, quand je pars en Espagne, ils sont restructurés dans les associations et continuent à militer. Militer tout le temps. Ils militent toujours dans la perspective d'obtenir un État indépendant et dans la perspective un jour eux-mêmes de retourner vivre au Sahara. Tout à fait. C'est-à-dire que la finalité d'une lutte, c'est l'aboutissement de l'autodétermination parce que depuis le cessez-le-feu de 91, le Maroc propose l'autonomie élargie, c'est-à-dire donnez-moi le drapeau et les timbres et l'armée, et faites ce que vous voulez. C'est exactement comme une autonomie, quoi. Autonomie. Mais les gens ont refusé, parce qu'ils savent que le Maroc, une fois qu'on baisse les armes et les mains, elle peut t'écraser en 20 ans, 30 ans, tu bougeras pas. Tu es marocain de facto et par la force des choses. Ça, il faut pas oublier, parce que le Maroc... La différence entre les Sahraouis et le Maroc, c'est l'allégeance. Et donc, nous, on ne connaît pas les rois. On n'a jamais eu un roi. Et on ne les avons pas dans notre représentation collective de s'incliner devant une autre personne. Donc, le volontariat dans la guerre du Sahara occidental est exemplaire. Parce qu'il y a une volonté collective, une mobilisation collective. Pour lister, nous sommes 1 million de personnes, même pas 1 million de personnes. Dans une espèce de cuvette entre les empires, la Mauritanie, l'Algérie, le Maroc. Donc ce petit peuple continue à lutter. Elle a montré qu'elle a la capacité de lutter. Nous, on marche selon notre rythme très lent. Mais sûr, voilà. Donc c'est pour ça que la société sahraoui, c'est une société évidemment intelligente, parce que toute société est intelligente. Et on n'a pas envie d'être marocain. Quand ils font un État moderne, il est évident qu'il va glisser petit à petit pendant je ne sais pas combien d'années vers ce idéal qui s'appelle l'État-nation moderne. Et tu laisses le tribalisme. La société sahraouite commence à se transformer, comme toutes les sociétés, vers un idéal qui s'appelle l'État-nation. Est-ce que c'est vraiment un idéal, l'État-nation ? Non. Est-ce que c'est un idéal à atteindre ? Non. À attendre, mais c'est l'aboutissement. Tu peux pas... Oui, parce que c'est le mot d'ordre international. Ironie de l'histoire, les anciens nomades rêvent aujourd'hui d'un État-nation, de frontières claires en plein désert. Mais pour l'instant, la limite du territoire sahraoui reste dessinée en pointillé sur les cartes internationales, quand elle n'est pas carrément occultée sur les cartes marocaines. Tout de suite, le vent du désert nous pousse justement côté marocain, où seront bientôt commémorés les 40 ans de la Marche verte, point de départ de l'occupation du Sahara occidental. Pour comprendre quels sont les enjeux de cette colonisation de peuplement, retrouvons Ali Omar Yara, dont je rappelle qu'il est sociologue, cofondateur de la revue L'Ouest saharien et auteur de La genèse politique de la société sahraoui, paru chez L'Harmattan en 2001. Et pour l'accompagner, j'accueille également aujourd'hui Marguerite Rolinde, politologue, chercheur à l'Université Paris 8, auteur du Mouvement marocain des droits de l'homme entre consensus national et engagement citoyen, édité par Cartala en 2002, ainsi que d'un article intitulé « La marche verte, un nationalisme royal aux couleurs de l'islam » paru en 2003 dans la revue Le Mouvement Social. Et Sébastien Boulet, anthropologue, maître de conférences à l'Université Paris Descartes, membre du CEPED, c'est le Centre Population et Développement, et auteur d'un article intitulé « Poétique et politique de la migration au Sahara occidental » paru l'an dernier dans La migration prise au mot, dirigé par Céline Canu et Catherine Mazuric et publié au Cavalier Bleu. Pour entamer notre discussion, replongeons en 1975, le 6 novembre exactement, lorsqu'Hassan II lance la célèbre Marche verte. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Dieu. Cher peuple, le Sahara nous appartient depuis la nuit des temps. Il est de notre devoir d'aller rejoindre nos frères sahraouis et d'occuper notre territoire. Il nous reste donc une seule chose à faire. Entreprendre une marche pacifique du nord, de l'est et de l'ouest vers le sud. 350 000 personnes participeront à cette marche. Mais nous devons agir comme un seul homme. Cher peuple, cette marche sera notre épopée. Pendant 12 jours, des trains descendront quotidiennement du nord et de l'est vers Marrakech, d'où des cars partiront ensuite vers Agadir et Tarfaya. Au total, ce seront 7 813 cars, 17 000 tonnes de vivres, 63 000 tonnes d'eau, 2500 tonnes de carburant, 470 médecins et 220 ambulances qui seront acheminées pour permettre aux hommes et aux femmes de marcher en ordre pendant 15 jours. Cher peuple, demain tu franchiras la frontière. Tu palperas des sables qui s'en tiennent. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. Cher peuple, va donc de l'avant. Par la grâce de Dieu. Que Dieu raffermisse tes pas et fasse en sorte que ta marche soit celle de la victoire du peuple marocain et de nos frères sahraouis, qu'il nous tarde de retrouver. Quand j'ai entendu l'appel de Sa Majesté le Roi, Dieu lui accorde la victoire, à la radio, je me suis mise à pleurer. J'étais à la fois troublée, heureuse, surprise, et j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit à mon mari que je voulais aller rejoindre mes frères sahraouis. Et il m'a dit, tu ne peux pas, il doit y avoir des hommes là-bas. J'ai répondu, j'irai, même si tu dois me répudier. La marche verte, comment vous la décrire? On a fait sa prière, comme avait dit Sa Majesté. On a embrassé son sol, comme avait dit Sa Majesté. Et nous avons foncé. Alors on entend, cette marche a été soigneusement préparée et orchestrée par Hassan II. Et finalement, elle avait quand même tout l'air d'une croisade. Marguerite Rolinde, pourquoi Hassan II a-t-il donné à cette marche la couleur de l'islam et a-t-il demandé aux Marocains de porter un exemplaire du Coran comme étendard? Parce que c'est la logique même du pouvoir royal de Hassan II lui-même qui s'inscrit dans la constitution. Hassan II est émir el-Mouaminin, prince des croyants. Il tire toute sa légitimité de la religion. Et c'est en tant qu'émir el-Mouaminin qu'il est garant de la nation. C'est en tant qu'émir el-Mouaminin qu'il détient tous les pouvoirs. Et c'est ce qui fait ces trois tabous qui martèlent toute l'histoire politique du Maroc autour du roi, de la nation, de la religion. Et on ne peut pas se séparer l'un de l'autre. C'est ce qui fait toute sa force. Le roi, Dieu, la patrie. Oui. C'est ça, et les trois piliers de la nation marocaine. Et il dit lui-même, il le dit, il dit cette marche lui a été inspirée une nuit en lisant la Fatiha, ce qui lui permet de se référer à ce qu'a fait le prophète avant lui. C'est messianique. Messianique, tout à fait. Mais il y a beaucoup d'autres, je pense, explications dans ce défi. Il parle de défi qu'il lance par cette marche verte. Et ça s'explique dans toute une politique de campagne royale qui remonte bien avant lui. Il se réfère à la Mahalla, à l'expédition de Moulay Hassan Ier, en 1876 déjà, au discours de son père, Mohamed V, Amhamid, en 1958, qui avait dit qu'il partirait récupérer les provinces du Sahara. La route de l'unité, c'est ça? Alors, la route de l'unité, c'est la première campagne, c'est la technique de la campagne. Quand on veut refaire le consensus, quand les rapports internes ou externes faiblissent, le roi doit réapparaître comme celui qui va faire l'unité. C'est ce qu'avait fait son père Mohamed V avec la route de l'unité, avec Ben Barka à l'époque. C'était l'idée de relier en fait le Rif, territoire si bas de dissidence, au reste du Maroc. Tout se joue toujours entre ces deux Marocs. Mais il n'y a pas eu que la route de l'unité, il y a eu toute la campagne des barrages après. Et l'un des barrages s'appelle Masir al-Khadra. Le plus grand des barrages qui a été construit s'appelle la Marche Verte. Et puis un plus récent, sur lequel j'ai écrit d'ailleurs, en 1998, c'est la mosquée Hassan II. À chaque fois, c'est trouver un thème, trouver quelque chose de porteur qui permet de faire l'unité. Alors on peut se demander pourquoi, à cette époque-là, en 1975, d'un point de vue de politique interne, je dirais, pas du point de vue de la Cour internationale de justice, ni des conflits avec l'Algérie, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait eu la guerre des sables en 63 aussi, quand même, avec l'Algérie, avec Ben Barka. Mais pour venir plus à quelque chose, à la politique interne du pays, en 73, Hassan II est en difficulté. Il y a quand même eu deux attentats. Un en 72 et l'autre en 73. Des attentats militaires. Contre sa personne. Contre sa personne même. Donc l'armée est devenue un danger pour lui. L'armée n'est plus assez solide. On est dans une situation politique aussi assez où le consensus faiblit. Déjà en 65, il y a les émeutes, de fortes émeutes qui ont été très réprimées. En 65, c'est la disparition de Ben Barka aussi, qui a quand même beaucoup, beaucoup déplu à une partie de l'opposition. Le parti de Ben Barka. En 72, il essaye une constitution, une nouvelle constitution. Il prend tous les pouvoirs. Je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais tous les pouvoirs. Autour de l'article 19 en particulier. Mais 72, donc ça se rapproche de 75. Cette constitution est considérée par l'opposition comme une constitution octroyée. Aucune discussion, aucun débat. C'est octroyé. Donc tout ça s'allie en 74 avec une offensive diplomatique là à l'étranger contre la décision de la Cour internationale de justice, il faut un référendum d'autodétermination. Et c'est là où il joue un grand coup de poker, je dirais, mais c'est le style Hassan II, ça. Il joue un grand coup, stratège. Très très grand stratège, il appelle les responsables de l'opposition, ses ennemis en fait. Et il leur dit, voilà, j'ai besoin de vous, c'est la nation qui est en danger, c'est le Sahara occidental, mon père déjà le voulait, mes ancêtres le voulaient, donc il nous le faut. Et voilà, je vous charge, vous les opposants, d'aller dans toutes les capitales européennes et partout, expliquer pourquoi le Maroc doit récupérer bien sûr, le Sahara occidental. Donc c'est tout ce contexte qui peut expliquer pourquoi cette marche verte. Oui, c'est mais ça. La marche verte a été finalement l'objet, enfin a permis la réunification nationale, ouais. La concorde ouais. nationale. Alors ça dure encore aujourd'hui, mais il faudra peut-être revenir sur le prix qu'elle a coûté. Parce que c'est aussi une caractéristique de toutes les campagnes royales. À chaque fois, Sophie Caratini en a un petit peu parlé. Comment ça se passe? L'union de tout un peuple qui avance, c'est magnifique, c'est très beau. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Les gens sont quasiment obligés. Elle l'a bien expliqué. Mais ce qu'il faut voir après, c'est qu'il y a eu une sorte d'impôt, contribution. Ce qu'on appelle, on a appelé ça pour la mosquée la contribution volontaire obligatoire. C'est-à-dire que c'est un impôt, en fait. Tout le monde doit y contribuer. Les sociétés comme les individus. Beaucoup d'histoires ont couru là-dessus, comme je me rappelle pour la mosquée, et on venait dans les villages et puis les gens devaient donner de l'argent en fonction du nombre de leurs troupeaux, du nombre d'animaux qu'ils avaient. Et puis un chien passait. Ah, mais vous avez un chien aussi, il faut payer plus. C'est des gars qui ont beaucoup d'histoires drôles ont eu lieu autour de tous ces. Mais c'est à chaque fois l'idée d'une contribution volontaire obligatoire. Donc ça coûte très cher à la population en réalité. Et puis la marche verte elle-même, vous avez entendu des chiffres. Pour bouger autant de gens, pour construire les tentes, pour une telle infrastructure à un coût. Et puis le coût de l'armée, hein, les avions, etc. Alors Marguerite Rolland, vous faisiez référence au coût de cette marche verte. Je vous propose qu'on voit ce qu'elle rapporte, en revanche, depuis 40 ans au Maroc. Notre planète comptera 9 milliards d'êtres humains. Face à la croissance démographique mondiale, l'agriculture représente un défi majeur du 21e siècle. Au cœur de cet enjeu, le phosphate est une ressource incontournable pour fertiliser la terre. Disposant des plus importantes réserves de ce précieux minerai, le Maroc est un acteur incontournable pour garantir la sécurité alimentaire mondiale. Premier exportateur de phosphate au monde, le Maroc bénéficie d'une expérience de 90 ans dans l'industrie minière et de 45 ans dans l'industrie chimique. Le royaume dispose de tous les atouts d'un leader mondial. Nourrir la Terre pour nourrir la planète. Voilà, c'était un petit film institutionnel qui faisait la promotion de l'office chérifien des phosphates. Ah oui, oui. Et qui montre bien, je crois, l'étendue des ambitions marocaines sur le territoire sahraoui. D'ailleurs, des ambitions qui sont largement soutenues par la France et plus largement par l'Union européenne, qui finance cette politique de développement des provinces du Sud et qui aussi autorise l'introduction de ces produits agricoles sur nos territoires, sur nos marchés. Alors Sébastien Boulet, peut-être pouvez-vous nous éclairer un petit peu concrètement comment le Maroc a-t-il investi dans le Sahara occidental ces 40 dernières années et avec quels bénéfices ? Alors effectivement, du point de vue de l'enjeu économique, je pense que c'est assez connu. Hein. Il y a les gisements de phosphate qui commencent à être exploités par l'Espagne dès 1970. Hein. Le gisement de Boukra notamment, qui est situé à côté de l'Aïoun, non loin de l'Aïoun. Des ressources halieutiques extrêmement abondantes, comme en Mauritanie d'ailleurs, et ne nous voilons pas la face, qui sont pillées depuis un certain nombre d'années par les bateaux marocains, après l'avoir été par des bateaux espagnols sans doute. C'est l'une des mers les plus poissonneuses au monde. Hein. Tout à fait. Il y a le port minéralier industriel de l'Aïoun aussi, hein, qui avait été installé par les Espagnols à la fin des années 60. Bref, des enjeux économiques effectivement évidents. Donc dans la marche verte et dans l'occupation marocaine, il y a effectivement des enjeux économiques qui sont clairs. Mais il y avait aussi des enjeux politiques, c'est-à-dire, on a face à nous une population tribale, hein, entre guillemets, segmentée, qui ne s'entend pas forcément. Donc c'est pas un peuple. Donc de toute façon, nous, on apporte un modèle politique qui est celui d'un État qui a déjà fait ses preuves, puisque le Maroc est indépendant en 56, d'un État centralisé, avec une autorité, le roi, conservateur, etc. Donc il y a aussi un déni à cette population d'une conscience politique, d'une capacité à créer, à inventer un État. Et les Sahraouis y répondront très vite en créant justement la République arabe sahraouie en 1976. Vous vouliez réagir, Marguerite Roland ? Oui, parce que je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est un paradoxe de la marche verte. C'est que le roi a obtenu l'inverse de l'effet escompté. Il n'a pas cru à ce peuple sahraoui. Or, le fait de le provoquer a, je pense, accéléré, au contraire, la création du peuple sahraoui et de l'État, de l'ARASD, la République arabe sahraoui et démocratique. Parce que les Sahraouis n'avaient plus le choix. Ils étaient déjà cette culture, cette langue, tous ces objectifs communs. Mais c'était des nomades, ils n'étaient pas attachés nécessairement à un lieu précis. À partir du moment où on les expulsait de ces lieux, où on les chassait, ils étaient obligés de s'intéresser au territoire et de créer un État. C'était un et peu oui, donc paradoxalement, oui. On les a entérinés, enracinés dans voilà. Ce territoire. Alors, le Maroc aussi, aujourd'hui, met en place une vraie politique de peuplement, c'est-à-dire qu'il encourage des Marocains à descendre dans le sud pour s'installer. Et on voit qu'avec ses perspectives économiques, on imagine bien que c'est assez simple, assez évident. Mais du coup, alors, à la fois, cette politique de peuplement, elle a empêché jusqu'à présent la tenue du référendum d'autodétermination. Mais est-ce qu'elle n'est pas aussi, en même temps, aujourd'hui, en train d'annihiler toute perspective d'indépendance pour les Sahraouis, parce que les choses sont extrêmement imbriquées aujourd'hui. Finalement, Sahraouis et Marocains vivent de façon un peu comme ça se passe en Israël aujourd'hui. En Palestine. Ou en tout cas, on a le sentiment que le partage va être au moins compliqué, voire impossible maintenant. Oui. À mon avis, Ali Omar Yara. L'histoire de peuplement maintenant, il y a un Sahraoui pour 10 Marocains dans le Sahara occidental. On a les chiffres ? Oui, il y a des chiffres. Tous les ouvriers et les pêcheurs du nord du Maroc sont tous partis vers, qu'on a dit tout à l'heure, Dakhla. Et donc, en 10 ans, 15 ans, 20 ans, un peuple n'existe pratiquement pas dans les grandes agglomérations. Alors, il y a une vraie guerre des chiffres, hein, on le voit, puisque l'idée, c'était de mettre en place un référendum d'autodétermination, mais qu'on n'a jamais réussi à identifier quel était le corps électoral. Et c'était normalement le but de la MINURSO, la mission envoyée par l'ONU au Sahara occidental pour essayer de faire le point sur qui étaient les votants et mettre en place ce vote. Aujourd'hui, concrètement, ce vote n'a toujours pas eu lieu. Depuis 1991, on attend toujours. Quel est, d'après vous, à quoi sert encore la MINURSO au Sahara occidental si, concrètement, elle n'est pas en mesure de mettre en place ce référendum ? Effectivement, on est dans l'enlisement hein, depuis quasiment 25 ans, ce qui est très, très difficile à vivre pour les gens, pour les Sahraouis en particulier, qui sont dans la diaspora, qui sont dans des camps de réfugiés depuis 40 ans. Donc, c'est une vraie tragédie humaine, ça, il ne faut pas l'oublier, avec des familles qui sont séparées depuis plusieurs décennies par un mur qui les divise. Effectivement, la question des chiffres, elle est très sensible. On peut l'imaginer. C'est difficile de trouver des statistiques fiables. Il y a un chercheur américain, Jacob Mundy, qui a proposé des chiffres en essayant de faire différentes mesures. Donc, il parle actuellement, ou en 2004, il parlait d'à peu près 25% de Sahraouis dans les territoires occupés du Sahara occidental et 75% à peu près de Marocains, entre guillemets. C'est très compliqué, mais précisément, le jeu, tout le jeu de la monarchie marocaine est perturber la lecture démographique ou la configuration démographique du Sahara occidental. C'est toute la politique marocaine concourt à cela. Enfin, on peut l'analyser comme tel. Pour rester aussi sur ces histoires de marche verte, on sait par exemple que dès 1991, dès le cessez-le-feu, il y a eu un déplacement de population marocaine. On parle de 100 000, Jacob Mundy justement parle de 100 000 personnes. Et on a appelé ça d'ailleurs la seconde marche verte, hein, pour rester dans les histoires de lexique. On déplace des gens, on fait venir aussi, on accueille favorablement des Mauritaniens, des migrants économiques mauritaniens qui ont envie de faire un petit peu de commerce et qui se font éventuellement passer pour des Sahraouis et que le Maroc accueille comme des soi-disant des ralliés. En fermant les yeux parce que ça les arrange bien. En pensant que ces gens-là voteraient le rattachement au Maroc en cas d'un référendum, dans le cas d'un référendum, ce qui est pas du tout, ce qui est pas du tout évident. Oui, donc la politique marocaine, elle est très lisible, elle est très claire, mais en même temps, elle est très fragile. Les Mauritaniens, ils passent au Sahara occidental, mais ils reviennent en Mauritanie, puisqu'ils ont des attaches en Mauritanie. On a aujourd'hui des Sahraouis, des camps de réfugiés de Tindouf, qui ont besoin de revoir leur famille, qui est restée de l'autre côté du mur, et qui passent au Sahara occidental occupé, mais qui repartent ensuite dans les camps. Donc aujourd'hui, les gens, depuis une dizaine d'années, les gens circulent davantage quand même. Puis il y a les réseaux sociaux, il y a l'Internet hein, qui a complètement changé la donne. Donc la politique de peuplement, elle consiste effectivement à brouiller, comme ça se passe au Sahara occidental avec les ondes radio. C'est un brouillage démographique qui est, et là on joue la montre, c'est-à-dire que on occupe le terrain, on construit, il y a une politique d'urbanisation qui est énorme, hein, avec des villes nouvelles, des quartiers nouveaux qui ne sont pas habités. Hein. Vous voyez ça à Laayoun, à Smara, à Dakhla. Donc, effectivement, c'est une politique de colonisation qu'on peut voir par ailleurs. Et le temps joue en faveur du Maroc. Ça, je ne sais pas. On ne peut pas le dire. Parce que, effectivement, quand vous parlez à des Sahraouis, notamment, moi, j'étais dans les camps au mois de février, les gens vous disent, de toute façon, moi, je peux mourir ici, c'est pas grave. De toute façon, après, il y aura mes enfants qui vont reprendre le flambeau, etc. Donc, nous non plus, on n'est pas pressés. Simplement, effectivement, les gens ont envie que les choses se règlent. Et il y a guère que le référendum qui peut, sans doute, régler le problème. Mm-hmm. Alors, je le disais, le Maroc... Ah, vous vouliez intervenir peut-être. Oui, je voulais revenir sur tout ça parce que je crois que les chiffres, ça n'a aucune importance. Effectivement, ce qui compte, c'est quel est le projet qui est derrière et le projet de la communauté internationale qui soutient ses alliés. Le Maroc, c'est la stabilité dans la région, dit-on, par rapport à l'arrivée, etc., des courants islamistes, tout ce que vous voulez. Stabilité et puis... partenaires économiques, partenaires culturels. Donc le Maroc, eux, c'est leur préféré quand même. De la même manière que la communauté internationale préfère traiter avec Israël qu'avec un État palestinien. Alors dire le temps joue pour, moi je sais pas, le mur de Berlin est tombé, l'apartheid a fini en Afrique du Sud, qui y croyait à tout ça ? Tout à fait. Personne. Donc pourquoi pas le Sahara occidental ? Pourquoi pas la Palestine ? Mais là, cette campagne de peuplement marocain ressemble quand même étrangement à la colonisation israélienne, avec la même idée de ces murs, c'est pas une idée, c'est une réalité, de ces murs qui coupent, qui isolent complètement, qui enferment, et en même temps une politique de colonie, les colonies israéliennes qui sont au-dessus des villages palestiniens, de colonies et aussi d'enrichissement. Comme si c'était possible, en fait, de vivre dans cette situation coloniale. En créant El Aaiun pour le Maroc, en créant Ramallah et même une nouvelle ville qui va bientôt sortir pour la Palestine. Comme si, en fait, la colonisation, ben voilà, c'est un fait accompli. Alors construisons et on pourrait, semble-t-il, construire une vie normale où des gens pourraient s'enrichir, des Palestiniens pourraient s'enrichir, des Sahraouis qui prêteraient allégeance pourraient s'enrichir, vivre normalement, sans guerre même. On n'a plus besoin de bombarder, mais avec toute une partie de la Palestine comme toute une partie du Sahara occidental qui est complètement exclue de cette amélioration, peut-on dire, des conditions de vie quotidiennes. Ceux qui vivent sous les tentes ou en Palestine, ceux qui vivent au-delà de cette zone protégée, sans parler de Gaza. Oui. Donc c'est la même logique. Donc non, c'est pas fini. Et oui, ils peuvent gagner un jour. Et on le voit parce qu'il y a énormément de révoltes ces dernières années. Bien sûr. Il y a notamment cet événement en 2010 dans le 2010. Camp de, vous allez me dire si je le prononce bien, Gaymizik. C'est une petite localité que personne ne connaît. Mais dont on a beaucoup entendu parler parce qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup d'arrestations. Pas beaucoup de morts. Quelques dizaines quand même. Une dizaine. Gaymizik, c'est une innovation de la lutte. Gaymizik, c'est 20 000 personnes, Sahraouis, qui sont partis de Laayoun et de Dakhla, surtout de Laayoun, pour s'isoler, toujours pareil, le repli tactique vers le désert, à une localité qui s'appelle Gdemsik. C'est un lieu dit. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de pouille, il n'y a rien. Et ils ont installé leur tente là-bas. Ils ont résisté pendant 40 jours. Et les Marocains, l'autorité marocaine voulait négocier avec les, soi-disant, les meneurs. D'accord. Là où, effectivement, je sais que les Marocains, ils savent que les gens partent vers Gdemsik. Ils n'ont rien dit. Mais ils ont l'impression qu'ils vont corrompre ces gens-là en leur donnant des privilèges, des maisons, de l'argent. Des subventions, oui, des allocations. Subventions, etc. À condition qu'ils arrêtent leur protestation. Or, les gens de Gdemsik, ils ont dit, nous voulons l'indépendance. Ils ont négocié. Finalement, c'est les Marocains qui étaient piégés du fait qu'ils n'ont pas réussi à soumettre ces gens-là à la volonté du Makhzen. Et donc, Gdemsik, c'est un pas en avant dans la résistance. Tant qu'on résiste, on ne craint rien du tout. Mais tant qu'on ne résiste pas, il est évident, le Maroc va nous bouffer comme n'importe. Je reviens au printemps arabe. Le printemps arabe, ils disent que c'est à partir de Gdemsik, la lutte sahraoui pour l'indépendance, où le printemps arabe s'émerge. C'est faux. Sébastien Boulet. J'ajouterais, c'est intéressant par exemple de rappeler que en Tunisie, les révoltes sociales au départ ont été initiées par des mineurs en 2008, je crois, dans le sud tunisien et dans des mines de phosphate. Hein, simplement pour faire le lien aussi avec la question des ressources naturelles Au Sahara occidental. Des villages qui vivaient de la pêche. Tout à fait. Donc c'est très similaire. Par rapport à la question de Gdeimizik, c'est effectivement Gdeimizik. On entend là d'ailleurs, hein, c'est la chanson d'Aziz Abrahim qui s'appelle Gdeimizik. Gdeimizik, c'est vraiment un tournant, comme vous l'avez dit, Ali Omar Yara, dans la résistance et dans l'histoire de la résistance sahraoui dans les territoires occupés après l'intifada de 2005. Et c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, dans cette société, sahraoui et mort plus généralement, aller installer un campement ailleurs, c'est souvent une marque d'indépendance politique, notamment une marque de désaccord. Hein. Faire tomber sa tente et aller la planter à un autre endroit, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Gdemsik. Et curieusement, beaucoup de manifestations sociales, économiques et politiques qui ont lieu dans les territoires occupés passe par le biais de l'installation d'un campement devant un ministère ou devant le gouvernement. Et donc la symbolique de la tente dans cette société de culture nomade, elle est vraiment centrale. On clôt aujourd'hui cette série sur les itinérances en Méditerranée. Justement, j'aurais voulu avoir votre sentiment sur cet autre mur construit par le Maroc au nord et qui le sépare de l'Union européenne. Qu'est-ce que ce mur-là vous inspire ? Donc, ce mur à la hauteur de Ceuta et Melilla, ce sont deux grillages très hauts avec des soldats de part et d'autre, des herses qui coupe les grillages en horizontal, qui fait que tous ceux qui tentent, venant des pays du Sub-Sahara, traversant le désert, quand ils tentent de les franchir, se blessent, s'esquintent les mains, les pieds, et souvent n'arrivent pas à le franchir. Pourquoi ces murs ? C'est exactement dans le cadre de la politique méditerranéenne, mais aussi beaucoup plus largement, la politique de l'Europe forteresse, qui correspond à la politique qu'on trouve aussi avec le mur du Mexique, d'ailleurs. Toutes ces politiques qui ont pour but d'isoler les pays, comment riche. On va les appeler, riches, c'est ça, de toute possibilité d'intrusion. C'est la même logique que celle qui a vu tous ces morts en Méditerranée dont on a tant parlé ces derniers temps, la Méditerranée étant elle-même un mur, une sorte de mur. Elle est devenue un mur dans la politique mise en place par Frontex. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument dénoncer, parce que nous sommes, nous, les Européens, ou les les Occidentaux, responsables de la fuite de toute cette population à cause des guerres, à cause des guerres qui ont été provoquées par les multinationales qui contrôlent le pétrole dans un pays, les ressources minières dans un autre. On a beaucoup de Maliens actuellement qui disent « Nous, notre pays était riche avant. Dans notre village, il y avait tout. Aujourd'hui, c'est le désert. » Donc, c'est tous ces gens-là qui arrivent chez nous. Et tous ces gens-là qui sont aussi porteurs de leur culture, de leur richesse, de leur nation, toute leur histoire. Et que donc, nous avons tout à fait intérêt, nous, à accueillir, parce que le monde, il est ouvert. Il faut sortir de ce monde fermé par des murs qui séparent des nations ou qui séparent des peuples ou qui séparent tout ce que vous voulez. Il faut faire tomber tous les murs, tout simplement. Oui, simplement par rapport à la question des murs de Ceuta et Melilla, moi je pense qu'ils symbolisent aussi les échecs de la communauté internationale, de l'ONU par exemple, sur cette question du Sahara occidental, mais aussi sur d'autres conflits en Afrique. Ça fait 25 ans que le peuple sahraoui attend et fait confiance à l'ONU et attend que l'ONU règle ses problèmes. On aurait dû ne pas le faire. Donc il y a un moment donné où effectivement les jeunes notamment ne peuvent plus attendre. Ils ont besoin de faire leur vie, ils ont besoin d'avoir un emploi, ils ont besoin d'utiliser leurs connaissances d'avancer. En pratiquant un métier, d'avancer, de fonder une famille, etc. Donc voilà, tant que l'ONU, la communauté internationale, certaines grandes puissances, comme la France sur le Sahara occidental, ne joueront pas leur rôle et leur pleine responsabilité, eh bien, on aura toujours ce genre de problème, effectivement. Merci à tous. Je rappelle que Ali Omar Yara, vous êtes l'auteur notamment de La genèse politique de la société sahraoui, qui est paru chez L'Harmattan en 2001. Marguerite Rolland, vous êtes l'auteur du Mouvement marocain des droits de l'homme entre consensus national et engagement citoyen, édité par Cartala en 2002. Et vous avez rédigé un article fort instructif sur la marche verte, intitulé « Un nationalisme royal aux couleurs de l'islam », paru en 2003 dans la revue Le Mouvement social. Enfin, Sébastien Boulet, vous avez co-dirigé en 2006 un ouvrage collectif intitulé « Sahara, identité et mutation sociale en objet », paru dans le numéro 76 du Journal des Africanistes, et vous avez publié l'an dernier un article intitulé « Poétique et politique de la migration au Sahara occidental » que l'on peut retrouver dans « La migration prise au mot » de Cécile Canu et Catherine Mazuric, publié au Cavalier Bleu. Merci également à Mahmoud Saïd qui a prêté sa voix à Feu Hassan II et à Ali Omar Yara qui a lu pour nous un extrait du voyage de Mylainin Lakhal, une coédition de L'Harmattan avec la République arabe sahraoui démocratique. Avant de nous quitter, je vous propose d'entendre un point de vue un peu différent, celui de la chanteuse Oum, née à Casablanca en 1978. Son prénom complet, Oum El Gaït, était donné aux petites filles nées dans le désert un jour de pluie. Alors, marocaine ou sahraoui? Comment savoir? Oum est sahélienne, ça c'est sûr. Une femme frontière, une enfant de la pluie. Dans cet entretien enregistré en juin dernier, elle nous offre sa vision du Sahara, ainsi que trois extraits de son nouvel album. سلام سلام حطيته فوق كتاف ونحيفة غزالي عارف راحته فين بقات. Bonjour Oum. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Vous nous avez gratifié de trois titres de votre nouvel album qui sort le 22 septembre prochain et qui s'appelle Zarabi. Exactement. Que vous avez enregistré intégralement dans le désert. Tout à fait. Vous avez enregistré où exactement? Alors, nous avons enregistré à Mhamed Rizlan, ce qui est au sud-est du Maroc, à une centaine de kilomètres de Zagora, où il y a le dernier aéroport. Et puis voilà, pour cet album, je voulais vraiment me faire plaisir en allant dans le désert, vivre ça avec les gens, avec moi, avec mes musiciens et tout, parce que c'est très intense. Et le désert, en général, une fois qu'on arrive là, on peut plus se mentir. Et c'est toujours une expérience magnifique voilà, d'aller dans le désert avec des personnes. Et ça s'est très, très bien passé. On a passé le test du désert. Je voulais y retourner aussi parce que je voulais donner un peu une dimension plus humaine et plus sociale aussi à cet album, en parlant des personnes qui vivent là-bas, qui se battent pour maintenir leur environnement en bon état, qui sont très soucieux de l'écologie, si on peut dire, qui plantent des arbres. Il y a des associations aussi qui ont formé des dames qui sont des tisseuses aujourd'hui et qui fabriquent des tapis à base de vêtements usagés. Et voilà, j'ai trouvé dans aussi la symbolique du tissage quelque chose qui existe aussi dans la façon dont nous on fait la musique, c'est-à-dire prendre pas mal de choses d'influence et les mettre ensemble. Donc dans le tissage, il y a aussi métissage. Et puis c'est très émouvant aussi de voir quand les femmes sont en train de tisser, j'imagine que tout ce qui les traverse comme émotion, comme sensation, comme tristesse ou comme joie s'enferme dans ces nœuds qu'elles font. Et c'est un peu pareil aussi, je pense, pour les albums. Donc Zarabi qui veut dire tapis, et je l'ai emprunté donc à ce que m'ont inspiré ces dames qui font les tapis à Mohamed. Alors vous parliez de cette métaphore magnifique du tapis, parce que finalement quand on y réfléchit, peut-être qu'on peut voir tout le Sahara comme un immense tapis avec des cultures qui s'entrecroisent, absolument, des langues, des traditions. Et puis vous le disiez, il y a des nœuds aussi là-dedans, et la question sahraoui en l'occurrence, c'est un gros nœud dans le tapis du Sahara. Quelle est votre relation à vous, avec ces populations sahraouies qui vivent à la fois au Maroc et puis de l'autre côté du mur de défense marocain, que ce soit en Algérie, dans les camps de réfugiés ou dans les zones libérées par le Front Polisario? Quelle est votre relation avec toute cette histoire-là et avec ces gens-là? Vous savez, moi je pense, ce que je ressens, comment est-ce que je vois tout ça personnellement, ce sont non pas un peuple sahraoui, mais plusieurs peuples nomades qui ont, vous le disiez, des choses en commun. Je pense qu'ils ont bien plus que ça. Ils ont pratiquement la même langue, la même façon de faire de la musique, la même façon d'organiser leur journée, faire un rituel de thé, qu'il y a la poésie, qu'il y a la liberté, que la femme est un pilier dans la famille, parce que chez les nomades, c'est les hommes, ce sont les hommes qui partent, et puis les femmes qui restent et qui tiennent la tente, donc ce sont des bosses. Et moi, tout ça, c'est pas juste ça m'inspire, ça me fascine. Et quelque part, il y a la méracine. Vous savez que je m'appelle Umlreit Ben Sahraoui. Donc, je porte le Sahara dans mon patronyme. Je ne l'ai pas choisi, mais c'est ainsi. J'ai grandi au Maroc, à Marrakech, et mon papa m'a toujours parlé, justement, du Sahara et de sa culture, non pas comme étant enfermé dans un territoire, mais comme vraiment une mentalité, une philosophie de vie, et que l'on retrouve d'ailleurs dans tous les peuples nomades. Et à l'époque, on disait la Mauritanie Tingitane, c'était un seul pays. Moi, j'aime me rapprocher de cette idée-là. Je ne rentre absolument pas dans le débat de est-ce que les Sahraouis doivent être indépendants. Ces peuples nomades ont de quoi, de toute façon, être autonomes, parce qu'ils ont une façon de réfléchir, parce qu'ils ont une façon de vivre, parce que, oui, il s'agit d'un territoire, mais c'est malheureusement un territoire qui a été bien longtemps par le colonisateur découpé, dessiné au crayon à je ne sais quel hasard, ou quelle humeur, ou quel verre il buvait. Et voilà, donc aujourd'hui, il y a les nœuds. Mais les nœuds font le tapis. Donc je pense que s'il y a des nœuds, c'est que, oui, c'est pour qu'ils soient faits, défaits, refaits à notre manière. Moi aujourd'hui, pour moi, ça n'existait pas cette histoire de Sahara occidental. Moi, je me balade dans mon pays, je descends à Dakhla, je me sens au Maroc. Je vais à Mohamed Rizlan, je me sens aussi au Maroc. Je suis contre cette carte qui est coupée au milieu, et c'est pas parce qu'on m'interdit de penser autrement. C'est parce que je le pense comme ça. Parce que je ne peux pas dire je suis marocaine, donc je dois être entre Marrakech et Casablanca. Non, je suis marocaine et je suis bien plus que ça. Je suis marocaine et sahraoui, donc africaine, je suis méditerranéenne, je suis toute ces choses-là à la fois. Donc moi, je crois vraiment qu'on ne doit vraiment pas s'arrêter sur les territoires. Moi, je refuse. On ne vient pas me couper ma carte, ni me couper ma tête, ni mon corps. Je pense qu'il y a tout ça en moi et je pense que c'est plutôt une richesse. Sera en concert le 25 juillet dans le cadre du festival de Robion, dans le Vaucluse, et son nouvel album Zarabi sera dans les bacs le 22 septembre prochain. Cette série d'itinérances en Méditerranée touche maintenant à sa fin. Merci d'avoir suivi nos pérégrinations autour de cette Mare Nostrum, qui est notre mer à tous. Vous pouvez bien sûr réécouter ou podcaster l'intégralité de cette grande traversée sur la page internet de l'émission, où sont également référencés tous les ouvrages cités, ainsi que les extraits musicaux diffusés. Prise de son et mixage, Cédric Chatelus et Élise Leu. Préparation Flora Isidore, réalisation Thomas Duterre, Les Hommes aux Semelles de Vent, itinérance en Méditerranée, une grande traversée proposée par Aude Émilie Judaïque. Lundi, vous avez rendez-vous avec une nouvelle grande traversée consacrée à Woody Allen cette fois. Très bel été sur France Culture. Et le mot de la fin, c'est Salam, la paix. أرضنا بسخانة عرقانة وسمانة سحانة